Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Mon gendre, tout est rompu. Tout cela est répété à l'envi parce qu'un cheval a mangé un chapeau, une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Le cavalier est-il responsable des agissements de sa monture? Après tout, ce n'est pas lui, personnellement, qui a mangé le chapeau. Et ce cheval était peut-être dans son droit en grignotant cet article de mode. Un beau-père pot de colle forte, des quiproquos dignes de Charenton. Et Fadinard, et Nonancourt, et Tardivaux, et Trouillebert, et des chaussures neuves qui blessent les pieds. Et cette très belle phrase, le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Un chapeau de paille d'Italie, première diffusion sur France 3 Nationale le 30 décembre 1962. La Radiodiffusion Télévision Française et la Société des Comédiens Français vous invitent à écouter Un chapeau de paille d'Italie, comédie en cinq actes de Eugène Labiche, en collaboration avec Marc Michel. Musique de scène originale de M. André Cadou. Direction artistique, Jacques Régnier. Voici quelle en sera la distribution. Messieurs Louis Seignier, Nonancourt. Jacques Charon, Fadinard. Georges Chamara, Beaupertuis. Paul-Émile Débert, Émile Tavernier. Jacques Cérès, Achille de Rosalba. Jean-Paul Roussillon, Bobin. Henri Roland, Vézinet. Maurice Portera, Tardivaux. René Camoin, le Caporal. Jean-Laurent Cochet, Félix. Michel Bernardi, le Récitant. Et Mademoiselle Yvonne Godot, Anaïs. Lise de Lamar, Clara. Jeanne Boitel, Baronne de Champigny. Philippine Pascal, Virginie. Michel André, Hélène. Maria Fromet, la femme de chambre. Orchestre et chœur de la Comédie Française, sous la direction de M. Olivier Bernard. Un salon chez Fadinard. Non, laissez-moi, monsieur Félix. Je n'ai pas le temps de jouer. Rien qu'un baiser. Je ne veux pas. Puisque je suis de votre pays, je suis de Rambouillet. Oh, ben, s'il fallait embrasser tous ceux qui sont de Rambouillet. Il n'y a que 4000 habitants. Il ne s'agit pas de ça. Monsieur Fadinard, votre bourgeois se marie aujourd'hui. Vous m'avez invité à venir voir la corbeille. Voyons la corbeille. Nous avons bien le temps. Mon maître est parti hier soir pour aller signer son contrat chez le beau-père. Il ne revient qu'à 11h avec toute sa noce pour aller à la mairie. La mariée est-elle jolie? Bon, je trouve leur godiche. Mais elle est d'une bonne famille. C'est la fille d'un pépiniériste de Charentonneau, oh. Le père Nonancourt. Dites donc, monsieur Félix, si vous entendez dire qu'on ait besoin d'une femme de chambre, pensez à moi. Ah, vous voulez donc quitter votre maître, monsieur Beaupertuis? Oh, n'en parlez pas, c'est un acariâtre, premier numéro. Il est grognon, maussade, sournois, jaloux. Et sa femme, donc? Certainement, je n'aime pas à dire du mal de mes maîtres. Oh non. Une chipie, une bégueule qui ne vaut pas mieux qu'une autre. Parbleu. Dès que monsieur part, crac, elle part. Et où va-t-elle? Elle me l'a jamais dit, jamais. Oh, vous ne pouvez pas rester dans cette maison-là. Oh. Et puis ça me ferait tant de plaisir de servir avec quelqu'un de Rambouillet. Sénéoise. Ne vous dérangez pas, c'est moi l'oncle Vézinet. La noce est-elle arrivée? Pas encore, aimable perruque. Qu'est-ce que vous faites donc? Il est sourd comme un pot, vous allez voir. Nous allons donc à la noce, joli jeune homme. Nous allons donc pincer un rigodon. Si ça fait pas pitié. Allez donc vous coucher. Merci mon ami, merci. J'ai d'abord cru que le rendez-vous était à la mairie, mais j'ai appris que c'était ici, alors je suis venu ici. Oui, monsieur de la Palisse est mort, de maladie. Non, pas à pied, en fiacre. Tenez, portez ça dans la chambre de la mariée, c'est mon cadeau de noces. Prenez garde, c'est fragile. Je vais profiter de ça pour voir la corbeille. Adieu, amour de sourd. Elle est gentille, cette petite. Hein? Ça fait plaisir de rencontrer un joli minois. Par exemple, à votre âge, ça va finir, gros farceur, ça va finir. Merci. Il est très convenable, ce garçon. Des clés, le cabriolet. Voilà une aventure. Ça me coûte 20 francs, mais je ne les regrette pas. Félix! Monsieur? Figure-toi que. Monsieur arrive seul? Et la noce de monsieur? Elle est en train de s'embarquer à Charentonneau dans 8 fiacres. J'ai pris les devants pour voir si rien ne cloche dans mon nid conjugal. Les tapissiers ont-ils fini? A-t-on apporté la corbeille? Les cadeaux de noces? Oui, monsieur, tout est là, dans la chambre. Très bien. Figure-toi que parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. Mon neveu se fait bien attendre. Oh, l'oncle Vézinet. Va-t'en, Félix, j'ai mieux que toi. Figurez-vous que parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. Mon neveu, permettez-moi de vous féliciter. Hein? Ah oui. On s'embrasse énormément dans la famille de ma femme. Parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. Il est marié. Oui, elle me suit de loin, dans 8 fiacres. Figurez-vous que parti ce matin à 8 heures de Charentonneau. Je viens d'apporter mon cadeau de noces. Ah, c'est gentil de votre part. Figurez-vous que parti ce matin à 8 heures de Charentonneau, j'étais dans mon cabriolet, je traversais le bois de Vincennes. Tout à coup, je m'aperçois que j'ai laissé tomber mon fouet. Mon neveu, ses sentiments vous honorent. Quel sentiment? Oh, sapristi, j'oublie toujours qu'il est sourd. Ça ne fait rien. Comme le manche est en argent, j'arrête mon cheval, je descends. À 100 pas de là, je l'aperçois dans une touffe d'ortie. Je me pique les doigts. J'en suis bien aise. Merci. Je me retourne, plus de cabriolet. Mon cabriolet avait disparu. Monsieur a perdu son cabriolet? Monsieur Félix, je cause avec mon oncle qui ne m'entend pas. Je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Je dirai plus. Les bons maris font les bonnes femmes. Oui. Turlititi, remplant-plat. Mon cabriolet avait disparu. Je questionne, j'interroge. On me dit qu'il y en a un d'arrêté au coin du bois. J'y cours. Et qu'est-ce que je trouve? Mon cheval en train de mâchonner une espèce de bouchon de paille orné de coquelicots. Je m'approche. Aussitôt, une voix de femme part de l'allée voisine et s'écrie « Ciel, mon chapeau !» Elle l'avait suspendu à un arbre tout en causant avec un militaire. Oh, c'est cocasse. Oui, entre nous, je crois que c'est une gaillarde. Non, je suis de Chaillot. J'habite Chaillot. Tire le titi, remplant plein. Près de la pompe à feu. Mais oui, c'est convenu. J'allais présenter mes excuses à cette dame et lui offrir de payer le dommage. Lorsque ce militaire s'interpose, une espèce d'Africain rageur qui commence par me traiter de petit criquet à sapristi. La moutarde me monte au nez et ma foi, je l'appelle Bénizoukzouk. Il s'élance sur moi, je fais un bond et je me trouve dans mon cabriolet. La secousse fait partir mon cheval et me voilà. Je n'ai eu que le temps de lui jeter une pièce de 20 francs pour le chapeau. Ou de 20 sous, car je ne suis pas fixé. Enfin, je verrai s'asseoir en faisant ma caisse. Il tire de sa poche un fragment de chapeau de paille orné de coquelicots. Voilà la monnaie de ma pièce. Oh, la paille est belle. Ah oui, mais trop chère la botte. Il faudrait chercher longtemps avant de trouver un chapeau pareil. J'en sais quelque chose. Voyons. Monsieur Félix, je vous prie de ne pas vous mêler à mes épanchements de famille. Mais monsieur... Silence, marouf. Comme dit l'ancien répertoire. Dites donc, à quelle heure va-t-on à la mairie? À 11h. À 11h. Oui. On dînera tard, alors j'ai le temps d'aller prendre un riz au lait. Vous permettez? Mais comment donc? Ça me fera extrêmement plaisir. Adieu, mon neveu. Adieu, mon oncle. Oui, c'est un tic de famille. Moi. Là. Eh bien, une fois marié, tu ne me passeras pas souvent à jouer à ça. Non. Et l'autre côté? Ah, c'est ce que je disais. Et l'autre côté, moi. Adieu, j'en reviens, cher neveu, avec la noce en Réunie. Vous embrasserez encore un peu avant d'aller à la mairie. Enfin, dans une heure, je serai marié. Ah, je n'entendrai plus mon beau-père me crier à chaque instant. Mon gendre, tout est rompu. Vous êtes-vous trouvé quelquefois en relation avec un porc-épic? Tel est mon beau-père. J'ai fait sa connaissance dans un omnibus. Son premier mot fut un coup de pied. J'allais lui répondre un coup de poing. Quand un regard de sa fille me fit ouvrir la main et je passais ses 6 gros sous au conducteur. Après ce service, il ne tarda pas à m'avouer qu'il était pépiniériste à Charentonneau. Voyez comme l'amour rend ingénieux. Je lui dis: monsieur, vendez-vous de la graine de carotte? Il me répondit: non, mais j'ai de bien beau géranium. Cette réponse fut un éclair. Combien le pot? 4 francs. Marchons. Arrivé chez lui, je choisis 4 pots. C'était justement la fête de mon portier. Et je lui demande la main de sa fille. Mais qui êtes-vous? J'ai 22 francs de rente. Sortez! Par jour. Asseyez-vous donc. Oh. Admirez-vous la laideur de son caractère. À partir de ce moment, je fus admis à partager sa soupe aux choux, en compagnie du cousin Bobin, un grand dadais qui a la manie d'embrasser tout le monde, surtout ma femme. On me répond à ça: oh bah, ils ont été élevés ensemble. Mais c'était pas une raison. Et une fois mariés... Mariés... Oh. Êtes-vous comme moi? Ce mot me met une fourmi à chaque pointe de cheveux. Mais il n'y a pas à dire. Dans une heure, je le serai. Marié. J'aurai une petite femme à moi tout seul, et je pourrai l'embrasser sans que le porc-épic que vous savez me crie: monsieur, on ne marche pas dans les plates-bandes. Ah, pauvre petite femme. Eh bien, je crois que je lui serai fidèle. Parole d'honneur? Non, oh, si, oh. Elle est si gentille, mon Hélène, sous sa couronne de mariée. Connaissez-vous dans Barcelone une Andalouse au teint bruni, au noir sourcil? Eh bien, ce portrait de Lyonne, ce portrait de fière Amazone, à l'œil hardi, trop dégourdi, n'est pas du tout celui de ma Ourinon. Oh, Dieu merci, n'est pas du tout celui de ma Ourinon. N'est pas du tout celui de ma Ourinon. Dieu merci, et c'est heureux. Oui, c'est heureux, oui, c'est heureux pour un futur mari. Une rose avec une couronne d'oranger, telle est la lithographie de mon Hélène. Je lui ai fait arranger un appartement délicieux. Non, ici, ce n'est déjà pas mal, mais en par là, c'est délicieux. Un paradis en palissandre avec des rideaux chamois. Oh, c'est cher, mais c'est joli. Un mobilier de lune de miel. Oh, oh, ce que je voudrais qu'il fût minuit un quart. On monte. Oh, c'est elle, son cortège. Voilà les fourmis. En veux-tu des fourmis? Entrez, madame, ne craignez rien. Oh, la dame au chapeau et son africain, sapristi. Émile, pas de scandale. Soyez tranquille, je suis votre cavalier. Vous ne comptiez pas nous revoir si tôt, monsieur? Oh, mais certainement, votre visite me flatte beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment, qu'est-ce qu'ils me veulent? Offrez donc un siège à madame. Oh, pardon, madame, désir s'asseoir, mais je ne savais pas. Et ma noce que j'attends. Vous avez un cheval qui marche bien, monsieur. Pas mal, vous êtes bien bon. Est-ce que vous l'avez suivi à pied? Du tout, monsieur, j'ai fait monter mon brosseur derrière votre voiture. Oh, bon, si j'avais su! J'avais mon fouet. Si vous aviez su? Mais j'aurais prié de monter dedans. Il m'agace, l'Africain. Émile, le temps se passe, abrégeons cette visite. Mais je suis tout à fait de l'avis de madame, abrégeons. J'attends ma noce. Monsieur, vous auriez grand besoin de quelques leçons de savoir-vivre. Oh, lieutenant! J'ai fait mes classes. Vous nous avez quitté fort impoliment dans le bois de Vincennes. J'étais pressé. Et vous avez laissé tomber par mégarde sans doute cette petite pièce de monnaie. 20 sous. Ah tiens, c'était 20 sous, je m'en doutais. Oh, mais c'est une erreur. Je suis fâché que vous ayez pris la peine. Tenez, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? 20 francs pour le chapeau. Monsieur! Émile! C'est juste. J'ai promis à madame de rester calme. Ah, mais j'ai cru que c'était le prix, moi. Est-ce 3 francs de plus? Je ne suis pas à ça près. Il ne s'agit pas de ça, monsieur. Nous ne sommes pas venus ici pour réclamer de l'argent. Ah non? Eh bien, mais alors quoi? Des excuses, d'abord, monsieur, des excuses à madame. Des excuses, moi? Non, non, c'est inutile, je vous dispense. Du tout, madame, je suis votre cavalier. Mais qu'à cela ne tienne, madame. Quoi qu'à vrai dire, ce ne soit pas moi personnellement qui ai mangé votre chapeau. Et encore, madame, êtes-vous bien sûr que mon cheval n'était pas dans son droit en grignotant cet article de mode? Vous dites? Non, mais écoutez, non! Pourquoi madame accroche-t-elle ses chapeaux dans les arbres? Un arbre n'est pas un champignon, peut-être. Pourquoi se promène-t-elle dans les forêts avec des militaires? C'est très louche, ça, madame. Mais monsieur. Que voulez-vous dire? Apprenez que monsieur Tavernier. Et qui ça, Tavernier? C'est moi, monsieur. Que monsieur Tavernier est mon cousin, nous avons été élevés ensemble. Ah oui, je connais ça, c'est son bobin. Mais si j'ai consenti à accepter son bras, c'est pour causer de son avenir, de son avancement, pour lui faire de la morale. Sans chapeau. Oh, Émile, pardon. Mais ne cassez pas mes chaises. Permettez, madame. Je vais le flanquer du haut de l'escalier, moi. Ah non, il pourrait tomber sur la tête de ma noce. Abrégeons, monsieur. J'allais le dire, vous avez pris mon mot, j'allais le dire. Voulez-vous, oui ou non, faire des excuses à madame? Mais comment? Donc, mais très volontiers. Je suis pressé. Madame. Veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de la considération la plus distinguée avec laquelle j'affligerai une volée à cocotte. Ça ne suffit pas. Ah non, ben, je le mettrai aux galères à perpétuité. Monsieur! Mais cassez donc pas mes chaises, vous! C'est pas tout. Attendez-nous, nous descendons. Oh, mon Dieu, quelqu'un. Affiche-toi le beau-père, s'il trouve une femme ici, tout est rompu. Surprise, chez un étranger, que devenir? Ah non, madame, permettez, madame. Mais monsieur! Renvoyez ces gens-là, nous reprendrons cet entretien. Il était temps. Mon gendre, tout est rompu. Vous vous conduisez comme un paltoquet. Mais papa... Silence, ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Toute la noce est en bas. 8 fiacres. Un coup d'œil magnifique. Eh bien... Vous deviez nous recevoir au bas de l'escalier. Pour nous embrasser. Faites des excuses à ma fille. Mais papa... Silence, ma fille. Allons, monsieur, des excuses. Il paraît que je n'en sortirai pas. Mademoiselle, veuillez, je vous prie, agréer l'assurance de ma considération la plus distinguée. Autre chose. Pourquoi êtes-vous parti ce matin de Charentonneau sans nous dire adieu? Il n'a embrassé personne. Silence, Bobin. Répondez. Oh, madame, vous dormiez. Pas vrai, je tirais mes bottes. C'est parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans. Des pépiniéristes. Ça n'en vaut pas la peine. Hein, comme le porc épique se développe. Vous méprisez déjà votre famille. Oh, tenez, beau-père, purgez-vous. Je vous assure que ça vous fera du bien. Le mariage n'est pas encore fait, monsieur. On peut le rompre. Rompez, mon oncle, rompez. Je ne me laisserai pas marcher sur le pied. Oh, Christy, j'ai mal. Qu'est-ce que vous avez? J'ai des souliers vernis. Ça me blesse, ça m'agace, ça me turlupine. Oh, Christy, j'ai mal aux pieds. Ça se fera en marchant, papa. Tiens, mais qu'est-ce qu'elle a donc à marcher comme ça, elle? A-t-on apporté un myrte pour moi? Un myrte pour quoi faire? C'est un emblème, monsieur. Vous riez de ça? Vous vous moquez de nous? Parce que nous sommes des gens de la campagne, des paysans. Des pépiniéristes. Allez, allez. Mais ça m'est égal. Je veux le placer moi-même dans la chambre à coucher de ma fille, afin qu'elle puisse se dire... Christy, j'ai mal aux pieds. Ah, papa, que vous êtes bon. Encore? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ça, mais c'est un tic que je ne l'avais pas remarqué. Papa. Hein? J'ai une épingle dans le dos. Ça me pique. Oh, ben, je disais aussi. Attendez, ma cousine. Ah, vous, monsieur, restez chez vous. Oh, puisqu'ils ont été élevés ensemble. C'est ma cousine. Ça ne fait rien. On ne marche pas dans les plates-bandes. Tiens, entre là. Avec l'Africain, ça pristire. Non, pas par là. Pourquoi? C'est plein de serruriers. Oh. Alors marche, secoue-toi, ça la fera descendre. Oh, Christy, j'ai mal aux pieds, j'y tiens plus, moi. Je vais mettre des chaussons de lisier. Ah non, non, non, pas par là. À quoi? Bah, je vais vous dire, c'est plein de fumistes. Ah, ça, mais vous logez donc tous les corps d'État. Bon, alors filons. Ne nous faisons pas attendre. Bobin, donne le bras à ta cousine. Oui, mon oncle. Allons, mon gendre, à la mairie. Oh, Christy, j'ai mal aux pieds. Et les deux autres qui sont là. Je vous suis. Le temps de prendre mon chapeau et mes gants. Allez, monsieur, en carrosse, nos 8 fiacres, nous allons en bas. Et l'on dira cette nonnasse, que ta farine n'en mordrait pas. « pouvez pas rester chez moi. Allons, monsieur, décampons. C'est comique. C'est Virginie. Ma femme de chambre, nous sommes perdus. Une dame qui va faire manger son chapeau dans le bois de Vincennes avec un militaire. Non, mais d'où sort celle-là? Oh, il ressemble à celui de madame. Oh, ça serait drôle tout de même. Renvoyez cette fille ou je vous tue. Oh, il faut que je sache si... Sacre bleu, va-t'en. Ah, monsieur, monsieur. Va-t'en ou je te tue. Quelle est cette créature? Que signifie... allons bon, elle se trouve mal. Anaïs. Oh non, madame, dépêchez-vous, je suis pressé. Bonjour. Voilà, voilà. Un verre d'eau sucrée, monsieur, un verre d'eau sucrée. Voilà, voilà. Ah, oh, sacre bleu, quelle chance. Chère Anaïs, allons donc, marbleu. Ça fond, vertu bleu. Oh, madame, je ne voudrais pas vous renvoyer, mais je crois que si vous retourniez chez vous... Eh bien, monsieur, mais c'était plus possible maintenant. Ah bah, et comment plus possible? Oh, cette fille. Eh bien, madame. Oh, cette fille est ma femme de chambre, elle a reconnu le chapeau, elle m'a raconté à mon mari. Un mari? Ça prolote, il y a un mari. Un jaloux, un brutal. Si je rentre sans ce maudit chapeau, lui qui voit tout en noir, il pourra croire des choses. Jaune. Perdue, compromise. Oh, j'en ferai une maladie. Ah, pas ici, madame, pas ici. L'appartement est très malsain. Bonjour. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que nous décidons? Il faut absolument se procurer un chapeau tout semblable et vous êtes sauvés. Oh, mais parbleu, mais l'Africain a raison. Oh, tenez, madame, voici l'échantillon. Et en visitant les magasins... Oh, moi, monsieur, mais je suis mourante. Vous voyez donc pas que madame est mourante? Eh bien, ce verre d'eau. Mais voilà. Ah tiens, je l'ai bu. Mais vous, monsieur, qui n'êtes pas mourante? Moi, monsieur, quittez madame dans un pareil état. Bonjour. Voilà. Oh, mais enfin, sapristi, monsieur, ce chapeau ne viendra pas tout seul sur la tête de madame. Sans doute, courez, monsieur, courez. Dis-à-moi. Non, mais au nom du ciel, monsieur, partez vite. Mais partez vite, et joli, mais je me marie, moi, madame. J'ai l'honneur de vous faire part de cet affreux événement. Ma noce m'attend au pied de l'escalier. Je me moque bien de votre noce. Oh, mais lieutenant. Ah, surtout, monsieur, choisissez une paille exactement pareille. Mon mari connaît le chapeau. Mais madame. Avec des coquelicots. Mais permettez. Nous l'attendrons ici 15 jours. Un mois, s'il le faut. De façon qu'il me faut galoper après un chapeau sous peine de placer ma noce en état de vagabondage. Ah, oh, vous êtes gentil. Eh bien, monsieur, partez-vous. Mais oui, monsieur, je pars, mais laissez mes chaises. Et ne touchez à rien, sapristi. Je cours chez la première modiste. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire de mes 8 fiacres? Et le maire qui nous attend? Mon jaune! Je vais tout compter au beau-père! Oh, par exemple! Pas un mot où vous êtes mort! Oh, bah très bien, bah, vous êtes gentil! Mon jaune! N'ouvrez pas! Mon jaune! Tout est rompu! Oui, oui, partons! Attendez! Que je dépose mon mire. N'entrez pas. Pourquoi? Bah, je vais vous dire, c'est plein de tapissiers. Allez, venez. Oh, Émile. Anaïs. Un salon chez une modiste. Dépêchez-vous, mesdemoiselles, cette commande est très pressée. Monsieur Tardiveau n'est pas encore arrivé. Oh, je n'ai jamais vu de teneur de livre aussi lambin. Oh, il est trop vieux. J'en prendrai un jeune. Ouf. Ah, mais voilà, je suis en âge. Mon compliment, monsieur Tardiveau, vous arrivez de bonne heure. Oh, mademoiselle, c'est pas ma faute. Je me suis levé à 6 heures. Oh, Dieu, que j'ai chaud. J'ai fait mon feu, j'ai fait ma barbe, j'ai fait ma soupe. Je l'ai mangé. Votre soupe? Mais qu'est-ce que ça me fait? Je ne peux pas prendre le café ou le lait. Ça ne passe pas. Et comme je suis de garde... Vous? Et alors j'ai été ôter ma tunique parce que chez une modiste, l'uniforme... Ah, ça m'est père Tardiveau. Vous avez plus de 55 ans. J'en ai 62, mademoiselle, pour vous servir. Merci bien. Mais j'ai obtenu du gouvernement la faveur de continuer mon service. Oh, voilà du dévouement. Oh non, c'est pour me retrouver avec Trouillebert. Qu'est-ce que c'est que ça? Trouillebert? Un professeur de clarinette. Alors, nous nous faisons mettre de garde ensemble et nous passons la nuit à jouer des verres d'eau sucrée. Ah, c'est ma seule faiblesse. La bière ne passe pas. Quel vieux maniaque. Oh, Dieu, que j'ai chaud. Ma chemise est trempée. Monsieur Tardiveau, j'ai une course à vous donner. Vous allez courir. Oh, pardon, j'ai là mon petit vestiaire. Et auparavant, je vous demanderai la permission de passer un gilet de flanelle. Oui, en revenant, vous allez courir rue Rambuteau, chez le passementier. Mais c'est que je... Et vous me rapporterez des écharpes tricolores. Des écharpes tricolores? Oui, c'est pour ce maire de province, vous savez bien. Mais c'est que ma chemise est trempée. Oh, mais allez donc, vous n'êtes pas encore parti. Oh, voilà. Oh, Dieu, que j'ai chaud. Oh, je changerai en revenant. Mes ouvrières sont à l'ouvrage, tout va bien. C'est une bonne idée que j'ai eue de m'établir. Il n'y a que 4 mois et déjà les pratiques arrivent. Ah, c'est que je ne suis pas une modiste comme les autres, moi. Je suis sage. Je n'ai pas d'amoureux. Pour le moment. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Madame, il me faut d'un chapeau de paille d'Italie. Vite, tout de suite, dépêchez-vous. Un chapeau de... Ah ! Mon Dieu ! Bigre, Clara, une ancienne. Et Manos qui est à la porte. Vous n'en tenez pas très bien, je reviendrai. Ah, vous voilà ! Et d'où venez-vous ? Chut, pas de bruit, je vous expliquerai ça. J'arrive de Saumur. Depuis 6 mois ? Oui, j'ai manqué la diligence. Fichu rencontre. Ah, vous êtes gentil. Et c'est comme ça que vous vous conduisez avec les femmes. Je mets pas de bruit, voyons, j'ai quelques légers torts, j'en conviens. Comment, quelques légers torts ? Monsieur me dit, je vais te conduire au château des fleurs. Nous partons, en route, la pluie nous surprend. Et au lieu de m'offrir un fiacre, vous m'offrez quoi ? Le passage des panoramas. Ah, c'est vrai, j'étais assez canaille pour ça. Une fois là, vous me dites, attends-moi, je vais chercher un parapluie. J'attends. Et vous revenez au bout de 6 mois et sans parapluie. Oh, Clara, tu exagères. D'abord, il n'y a que 5 mois et demi. Quant au parapluie, c'est un oubli, mais je vais le chercher. Du tout, du tout. Il me faut une explication. Oh, sapristi, Emmanos qui drogue à l'heure dans 8 fiacres. Clara, ma petite Clara, tu sais si je t'aime. Ah, quand je pense que cet être-là avait promis de m'épouser. Oh, comme ça se trouve. Mais je te le promets toujours. Oh, d'abord, si vous en épousiez une autre, je ferai un éclat. Oh, quelle est bête. Moi, épouser une autre femme. Mais la preuve, c'est que je te donne ma pratique. J'ai besoin d'un chapeau de paille d'Italie tout de suite avec des coquelicots. Ah oui, c'est ça, pour une autre femme. Oh, mais quelle est bête. Un chapeau de paille pour une... Mais non, c'est pour un capitaine de dragon. Oui, qui veut faire des traits à son colonel. Ce n'est pas bien sûr, mais je vous pardonne. À une condition. Je l'accepte, dépêchons-nous. C'est que vous dînerez avec moi. Oh, bah, parbleu. Et vous me conduirez ce soir à l'ambigu. Oh, mais voilà une bonne idée. Mais c'est ça qui est une bonne idée. Oh. Bah, j'ai justement ma soirée libre et je me disais comme ça, mon Dieu, qu'est-ce que je vais donc faire de ma soirée? Oh. Voyons les chapeaux. Oui, c'est ici mon salon. Venez dans mon magasin. Et surtout, ne faites pas de l'œil à mes ouvrières. Mon gendre, tout est rompu. Pristi le beau-père. Où est monsieur le maire ? Mais tout à l'heure, je le cherche. Attendez-moi. Parents, amis, en ce beau jour réunis, à la mairie, en confiance et réunis. C'est bon, c'est mieux que le cas bien amoureux. Comptez-vous, prononcez les serments si doux. Comptez-vous, prononcez les serments si doux. Enfin! Ah, nous voilà à la mairie. À mes enfants, je vous recommande de ne pas faire de bêtises. Gardez vos gants, ceux qu'on a. Quant à moi, oh Christy, j'ai mal aux pieds. Ah, puis il est embêtant, ce myrte. Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Je suis très ému. Et toi, ma fille? Papa, ça me pique toujours dans le dos. Marche, ça la fera descendre. Fernandencourt, déposez votre myrte. Non, je ne m'en séparerai qu'avec ma fille. Hélène. Le jour même qui te vit naître, j'empotais ce frêle arbrisseau. Je le plaçais sur ta fenêtre. Il grandit près de ton berceau. Et lorsque ta mère nourrice te donnait à téter, le soir. Office au moyen de mon arrosoir. Oui, je fus sa mère nourrice au moyen de mon que j'ai mal aux pieds. Bobin, prends le myrte. J'ai une crampe. C'est très gentil ici. Hein? Voilà le prétoire. Hein? Le registre de l'état civil. Nous allons signer là-dessus. Ceux qui ne savent pas. Ils feront une croix. Tiens. Il aperçoit une tête en carton dont se servent les modistes. Tiens, c'est un buste de femme. C'est la République. Ah, oh bah, il est pas ressemblant. Ah, non, celui de Charentonneau est mieux que ça. Papa, qu'est-ce qu'on va me faire? Mais rien, ma fille. Tu n'auras qu'à dire oui en baissant les yeux. Et tout sera fini. Tout sera fini. Prends le myrte, oncle Vézina, j'ai envie de pleurer. Mais, avec plaisir, mais. Mais c'est que moi, j'ai envie de me moucher. Tenez, prenez-le, père Nonancourt. Ah, merci. Si j'avais su, je l'aurais laissé dans le fiacre. Ah, oh Dieu, j'ai chaud. Tardiveau pose sur le comptoir des écharpes tricolores. Oh, ma chemise est trempée. Ah, voici monsieur le maire, avec son écharpe. Gardez vos gants. Mais mon oncle, j'en ai perdu un. Mais mets ta main dans ta poche. Ah. Mais pas celle-là, imbécile. Oui. Alors. Enfin, je vais pouvoir changer. Monsieur. Voici la mariée. Ça, salut. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, c'est ma fille. Ma cousine. Mais je suis son père. Je suis son cousin. Oui, et puis voilà nos parents. Saluez, saluez. Ils sont très polis, mais ils vont m'empêcher de changer. Alors, voulez-vous commencer par prendre les noms? Volontiers. Oh, c'est une noce de campagne qui vient faire des emplettes. Y êtes-vous? Antoine, petit Pierre. Alors, les prénoms sont inutiles. À Charentonneau, on les demande. Dépêchons-nous, monsieur, j'ai extrêmement chaud. Oui. Antoine, voiture, petit Pierre, dit Nonancourt. Christy, j'ai mal aux pieds. Pardonnez à mon émotion, mais j'ai un soulier qui me blesse. Ah, ma fille. Ah, papa. Ça me pique toujours. Oh, monsieur, ne perdons pas de temps. Oh, bien sûr, je vais attraper une pleurésie, moi. Votre adresse? Citoyen majeur. Où demeurez-vous donc? Pépiniériste. Membre de la Société d'horticulture de Syracuse. Mais c'est inutile. Né à Grosbois le 7 décembre 98. T'en voilà assez. Je ne vous demande pas votre biographie. Mais j'ai fini. Oh, il est caustique, ce maire. À vous, Vézina. À vous. À vous. À vous. Monsieur, avant d'accepter la mission de témoin... Pardon. Je me suis pénétré de mes devoirs. Au diable est passé mon gendre. Il m'a paru qu'un témoin devait réunir trois qualités. Non, mais monsieur, je... La première... Ah. Ah, mon oncle, venez voir. Là, ben... Quoi donc? Là. Venez. Nom de pipin, mon gendre qui embrasse une femme. Oh, Polisson. C'est affreux. Le jour de ses noces. La seconde est d'être français, ou tout au moins naturalisé. Arrêtez, arrêtez, ça n'ira pas plus loin. Je romps tout, biffé, monsieur, biffé. Je reprends ma fille, Bobin. Je te la donne. Ah, mon oncle. Le voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi avez-vous quitté les fiacres? Mon gendre, tout est rompu. C'est convenu. Vous me rappelez les orgies de la régence. Fi, monsieur, fi. Fi, fi. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh! Vous me le demandez? Non, tu me le demandes quand je viens de te surprendre avec ta colombine, Arlequin. Oh, fiche, il m'a vu. Alors, je ne le nierai pas. Ah! Il l'avoue! Pauvre cousine! Fi, monsieur, fi! Ah, vous, hein, tenez-vous tranquille. On ne marche pas dans les plates-bandes. C'est ma cousine! C'est permis! Ah, c'est permis. Eh bien, cette dame que j'ai embrassée est ma cousine aussi. Ah! Alors, présentez-la-moi. Je vais l'inviter à la noce. Il ne manquera plus que ça. Non, c'est inutile, elle n'accepterait pas. Elle est en deuil. En robe rose? Oui, c'est de son mari. Ah! Monsieur, je renoue. Bobin, je te la retire. Vieux tourniquet. Nous pouvons commencer. Prenons place. Mais que diable font-ils là? Ah non, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je change. Comment? Oh. Le maire s'en va? Ben, il paraît que c'est pas ici qu'on se marie, hein? Non, il faut absolument que je change. Eh ben, suivons monsieur le maire. Puisque ce dignitaire nous dit ne quittez pas, suivons, monsieur le maire. Ils ne le quittent pas. Non, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais où vont-ils? Monsieur Fatima! Ah, Lara! Dites-nous, voici votre échantillon. Je n'ai rien de pareil à ça. Comment? Ah, c'est une paille très fine qui n'est pas dans le commerce. Ouh, vous n'en trouverez nulle part, allez. Oh, sapristi, me voilà bien. Si vous voulez attendre 15 jours, je vous en ferai venir un de Florence. Oh, 15 jours, petite bûche. Je n'en connais qu'un semblable à Paris. Je l'achète. Oui, mais il n'est pas à vendre. Je l'ai monté il y a 8 jours pour madame la baronne de Champigny. Une baronne? Je ne peux pas me présenter chez elle et lui dire, madame, combien le chapeau? Oh, ma foi, tant pis pour ce monsieur et cette dame. Je vais d'abord me marier. Et après... Oh, Dieu, j'ai chaud. C'est que ça? Mais quel commerce font-ils là? Hé, hey, Père Nonancourt! Monsieur, je viens de la maison. Ah, Félix, c'est bien ce militaire. Il jure, il grince, il casse les chaises. Ah, sapristi. Il dit que vous le faites poser, que vous deviez être de retour dans 10 minutes, mais qu'il vous repensera tôt ou tard quand vous rentrerez. Félix, tu es mon domestique. Je t'ordonne de le flanquer par la fenêtre. Il s'y prêterait pas. Et la dame, la dame? Elle a des attaques de nerfs, elle se roule, elle pleure. Ça séchera. Alors on a envie de chercher le médecin, il la fait mettre au lit, il la quitte pas. Au lit? Non, mais où ça, au lit? Dans quel lit? Dans le vôtre, monsieur. Profanation, mais je ne veux pas! La couche de mon Hélène, que je n'osais même pas y traîner du regard. Et voilà une dame qui vient y rouler ses nerfs. Allez, va, cours, fais-la lever, tire les couvertures. Mais monsieur... Dis-leur que j'ai trouvé l'objet, que je suis sur la piste. Quel objet? Mais va donc, animal. Oh. Oh, il n'y a plus à hésiter. Une malade chez moi, un médecin, il me faut ce chapeau à tout prix. Dussé-je le conquérir sur une tête couronnée ou au sommet de l'obélisque? Ah oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ma noce? Oh, une idée. Si je les introduisais dans la colonne, mais c'est ça, je dirais au gardien, je retiens le monument pour 12 heures, ne laissez sortir personne. Clara, vite, où demeure-t-elle? Qui ça? Mais ta baronne. Quelle baronne? Mais ta baronne au chapeau, crétine. Ah, oh, bah dites donc. Non, cher ange, je voulais dire cher ange, donne-moi son adresse. Monsieur Tardiveau va vous y conduire, le voici, mais vous m'épouserez. Parbleu. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais pourquoi diable me suivent-ils? Impossible de changer. Vite, conduisez monsieur chez la baronne de Champigny. Mais madame... Dépêchons-nous, c'est pressé, j'ai 8 fiacres. Oh. Prenez le premier. Ne le quittons pas. Puisque c'est délicat, ne quittez-nous pas. Suivons. Riche salon chez la baronne. charmant, ravissant. C'est décoré avec un goût. Oh, et par ici, une table servie. Curieux. Oh, ça, ma chère cousine. Vous nous invitez à une matinée musicale et je vois les préparatifs d'un souper. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mon cher vicomte, que j'ai l'intention de garder mes invités le plus longtemps possible. Après le concert, on dînera et après le dîner, on dansera. Voilà le programme. Je m'y conformerai. Est-ce que vous avez beaucoup de senteur? Oui, pourquoi? C'est que vous aurez prié de me conserver une petite place. J'ai composé une romance. Aïe. Le titre délicieux, Brise du soir. C'est neuf surtout. Quant à l'idée, c'est plein de fraîcheur. On fait les foins, un jeune pâtre est assis dans la prairie. Certainement, c'est très gentil en famille pendant qu'on fait le whist. Mais aujourd'hui, mon cousin, place aux artistes. Nous aurons les premiers talents et parmi eux, le chanteur à la mode, le fameux Nisnardi de Bologne. Nisnardi, qu'est-ce que c'est que ça? Un ténor arrivé depuis 8 jours à Paris et qui est déjà célèbre, on se l'arrache. Hein? Je ne le connais pas. Ni moi, mais j'y tenais. Je lui ai offert 3 000 francs pour chanter 2 morceaux. Prenez brise du soir, pour rien. C'est trop cher. Ce matin, j'ai reçu la réponse du signor Nisnardi. La voici. Ah, un autographe, voyons. Madame, vous me demandez 2 morceaux, j'en chanterai 3. Vous m'offrez 1 000 écus, ce n'est pas assez. Mazette. Je n'accepterai qu'une fleur de votre bouquet. Ah, ça c'est délicat, ça c'est... Tiens, hein, j'en ferai une romance. C'est un homme charmant. Jeudi dernier, il a chanté chez la comtesse de Bray, qui a de si jolis pieds, vous savez? Oui, eh bien. Devinez ce qu'il lui a demandé. Bah, dame, je ne sais pas. Un pot de viroflée? Oh non, un soulier de bal. Un soulier? Ah ben voilà un original. Oh, il est plein de fantaisie. Après ça, tant qu'elles ne passeront pas la fille. Vicomte. Ben dame, écoutez donc, un ténor, ça monte. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mais seraient-ce déjà mes invités? Mon cousin, veuillez me remplacer, je ne serai pas longtemps. Soyez tranquille, belle cousine. Comptez sur moi. Il y a là un monsieur qui demande à parler à madame la baronne de Champigny. Son nom? Il n'a pas voulu le donner. Il dit que c'est lui qui a eu l'honneur d'écrire ce matin à madame la baronne. Ah, vif-lui, le senteur, l'homme au soulier. Oh, je suis curieux de le voir. Bon, diable, hein, il est exact. On voit bien que c'est un étranger. N'importe. Un homme qui refuse 3 000 francs, on doit le combler d'égards. Faites entrer. Bien, monsieur. D'ailleurs, c'est un musicien, un confrère. Pardon, monsieur. Entrez donc, mon cerf, entrez donc. Je vous remercie, j'étais bien là. C'est plus ce que je fais, moi, c'est domestique, ce salon doré. Ces grands portraits de famille qui avaient l'air de me dire « Veux-tu t'en aller, nous ne vendons pas de chapeau ?» Tout ça m'a donné un trac. Il a bien l'air en italien. Quel drôle de ville, hein. Monsieur, j'ai bien l'honneur de vous saluer. C'est quelques majordomes. Asseyez-vous donc. Oh non, merci, je suis trop fatigué. Enfin, c'est-à-dire, je suis venu en fiacre. En fiacre? C'est charmant. C'est plus dur que charmant. Nous parlions de vous à l'instant. Ah, mon gaillard. Il paraît que vous aimez les petits pieds. Aux truffes? Hein? Très joli. C'est égal, votre histoire de souliers est adorable. Adorable. Ça, mais qu'est-ce qu'il me chante? Non, mais pardon, s'il n'y a pas d'indiscrétion... Je désirais parler à madame la baronne de Champigny. C'est prodigieux, mon cerf. Vous n'avez pas le moindre accent. Oh, vous me flattez. Ah, mais parole, vous seriez de Nanterre. Oh. Ah, ça, mais qu'est-ce qu'il me chante. Non, pardon, mais s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler... À madame de Champigny. Elle va venir. Elle est à sa toilette. Et je suis chargé de la remplacer, moi, son cousin. Le vicomte Acile de Rosalba. Un vicomte? Oh, je n'oserais jamais marchander un chapeau de paille à ces gens-là. Dites donc, monsieur mon le vicomte... Qu'est-ce que vous penseriez d'une romance intitulée « Brise du soir » ? Moi ? Et vous ? C'est plein de fraîcheur. On fait les foins, un jeune pâtre... Non, mais pardon, mais s'il n'y a pas d'indiscrétion, je désirerais parler... Non, c'est juste, je cours la prévenir. Enchanté, mon cerf, d'avoir fait votre connaissance. Oh, monsieur le vicomte, mais c'est moi qui... Oh, c'est qu'il n'a pas le moindre accent, hein. Pas le moindre. Enfin, me voici chez la baronne. Ah, elle est prévenue de ma visite en sortant de chez Clara, la modiste. Je lui ai vite écrit un billet pour lui demander une audience. Oh, je lui ai tout raconté. Et j'ai fini par cette phrase, que je crois pathétique. « Madame, deux têtes sont attachées à votre chapeau. Rappelez-vous que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. » Ah bah, sapristi, elle met du temps à sa toilette. Et ma diable de noce qui est toujours là en bas. Ah, sans compter le beau-père, mon porc épic, qui a toujours le nez à la portière pour me crier « Mon gendre, êtes-vous bien? Mon gendre, quel est ce monument? Mon gendre, où allons-nous? » Alors, pour m'en débarrasser, je lui ai répondu « Au veau qui tête !» Et il se croit dans la cour de cet établissement. Ah, mais j'ai bien recommandé au cocher de ne laisser monter personne. Je n'éprouve pas le besoin de présenter ma famille à la baronne. Ah, sapristi, elle met le temps à sa toilette. Si elle savait que j'ai chez moi deux enragés qui disloquent mes meubles et que ce soir, peut-être, je n'aurais même pas une chaise à offrir à ma femme pour reposer sa tête. Ah bah oui, oui, à ma femme. Ah, mais je ne vous ai pas dit un détail. Je suis mariée. Ah, c'est fini. Ah bah, que voulez-vous, hein? Le beau-père écumait, sa fille pleurait, Boba m'embrassait. Alors, j'ai profité d'un embarras de voiture pour rentrer à la mairie et de là à l'église. Ah, pauvre Hélène. Si vous l'aviez vue avec son air de colombe. Ah, sapristi, elle met le temps à sa toilette. Oh, la voici. Mille pardons, cher monsieur, de vous avoir fait attendre. Oh, mais c'est moi, madame, qui suis confuse. Allons, allons, bon, voilà mon truc qui me reprend. Je vous remercie d'être venu de bonne heure. Nous pourrons causer. Vous n'avez pas froid? Merci, je suis venu en fiacre. Ah, dame, il y a une chose que je ne peux pas vous donner. C'est le ciel de l'Italie. Oh, madame, d'abord je ne l'accepterai pas, ça me gênerait. Et puis, ce n'est pas là ce que je suis venue chercher. Je le pense bien. Quel magnifique pays que l'Italie. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elle a donc parlé de l'Italie? Comment? Madame la baronne a sans doute reçu le billet que je lui ai fait l'honneur... Non, que je me suis fait l'honneur... Enfin, c'est-à-dire que j'ai eu l'honneur de lui écrire. Certainement. C'est d'une délicatesse. Oh, vous avez dû me trouver bien indiscret. Du tout. Je demanderai à Madame la baronne la permission de lui rappeler que le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Plaît-il? Je dis, le dévouement est la plus belle coiffure d'une femme. Sans doute. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a compris, elle va me remettre le chapeau. Convenez que c'est une belle chose que la musique. Hein? Quelle langue, et quel feu, et quelle passion. Oh, ne m'en parlez pas, la musique, la musique, la musique. Oh, elle va me remettre le chapeau. Pourquoi ne faites-vous pas travailler Rossini, vous? Moi? Oui. Elle a une conversation très décousue, cette femme-là. Je rappellerai à Madame la Baronne que j'ai eu l'honneur de lui écrire un billet. Un billet délicieux et que je garderai toujours, croyez-le bien, toujours, toujours. Comment voilà tout? Qu'est-ce que vous pensez d'Alboni? Alors, rien du tout, mais je ferai observer à Madame la Baronne que dans ce billet, je lui demandais... Oh, folle que je suis! Vous y tenez donc beaucoup. Si j'y tiens, mais comme l'arabe à son coursier. Oh, oh, quelle chaleur méridionale! Il y aurait de la cruauté à vous faire attendre plus longtemps. Oh, enfin, je vais le tenir, ce malheureux chapeau, et je pourrai rentrer chez moi. Oh. Ah, il s'agit maintenant... Voyons, dois-je marchander? Oh non, non, une baronne, ne soyons pas crasseux. Voici, monsieur. Prenez cette fleur, je paye comptant. Qu'est-ce que c'est que ça? Un œillet d'Inde? Oh, ça m'a donc pas reçu ma lettre. Je porterai plainte contre le facteur. Quel plaisir de venir chez l'ami qui nous convine. Le oiseau qui toujours auprès d'elle semble trop court. Je vous ai promis un chanteur exquis. Saluez, voici le fameux Nisnardi. Qui, moi, Nisnardi? Rival du grand Rubini. Oh, mais non, quelle erreur! Taisez-vous, monsieur. De Bologne, les bravos ont des échos. Alors, je ne nierai pas, mesdames. Je suis Nisnardi, le grand Nisnardi. Ah. Ça semble flanquer à la porte. En attendant que nous soyons tous réunis pour applaudir le rossignol de Bologne, si ces dames voulaient faire un tour dans les jardins... Quel plaisir de courir après des pailles d'Italie. heureux jour qui se marie et qu'on se doit tout à l'amour. Oh, en fait, c'était un moyen. Pardon, madame la baronne, j'aurais une petite prière à vous adresser. Oh, mais je n'ose. Parlez. Vous savez que je n'ai rien à refuser au signor Nisnardi. Oh, c'est que ma demande va vous paraître bien fantasque, bien folle. Oh, mon Dieu, je crois qu'il a regardé mes souliers. Entre nous, voyez-vous, je suis un drôle de corps. Vous savez, les artistes, ils me passent par la tête mille fantaisies. Je le sais. Ah, bah tant mieux. Et quand on refuse de les satisfaire, alors ça me prend ici, à la gorge. Je parle comme ça, et impossible de chanter. Oh, mon Dieu, et mon concert. Parlez, monsieur, que vous faut-il, que désirez-vous? Ah, voilà, c'est très difficile à demander. Il me fait peur, il ne regarde plus mes souliers. Je sens que si vous ne m'encouragez pas un peu, c'est tellement en dehors des usages. Mon bouquet, peut-être. Oh non, non, ce n'est pas cela, non. C'est infiniment plus excentrique. Oh, comme il me regarde. Je suis presque fâchée de l'avoir annoncé à mes invités. Oh, mon Dieu, que vous avez donc de jolis cheveux. Des cheveux, par exemple? Il me rappelle un délicieux chapeau que vous portiez hier. À Chantilly. Précisément, le délicieux chapeau, le ravissant chapeau. Comment, monsieur, c'est cela? Oui, je n'osais pas vous le dire. Mais enfin, le mot est lâché. Après ce chapeau, je soupire. Mon bonheur s'y trouve accroché. Sous cette coiffure jolie, mon œil ébloui rencontra le trait divin que voilà. Et je me dis si pour la vie, l'image doit m'être ravie. Le cadre au moins me restera. Quel plat madrigal je fais là? Oui, le cadre me restera. Je l'aurai. Je comprends. C'est pour faire pendant aux souliers. Quel soulier? Ah non, mais quel soulier? Soyez tranquille, monsieur. Ce chapeau. Oh. Demain, je vous l'enverrai. Ah non, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais cependant. Ah ben, attendez, attendez-vous ma voix. Je l'ai dans les talons. Oh, mon dans Dieu. Les talons. Clotilde, Clotilde, madame. Dans 5 minutes, vous serez satisfait. Oh. Oh, mais je vous demande pardon. Mais un chapeau, c'est si original. Oh, dans 5 minutes, j'aurai décampé avec le chapeau. Je laisserai ma bourse en paiement. Ah non, je pense au père Nenancourt. Doit-il rager dans son fiacre? Viens donc passer, mon gendre. Le beau-père. Mon gendre. Tout est rompu. Vous, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous dînons. Mais où ça? Là. Sapristi, le dîner de la baronne. Oh, satané vous qui tête. Quelle grande maison. Ah, j'y reviendrai quelquefois. Non, mais permettez. Mais c'est égal. Votre conduite est celle d'un pas grand-chose. Mon père. Abandonner votre femme le jour de la noce, la laisser dîner sans vous. Et les autres? Ils dévorent. Oh, voilà bien, je sens une sueur froide. Je pense que j'ai... Je crois que je suis un peu pochard. Allons bien. Et les autres? Ils sont comme moi. Bobin s'est jeté par terre en allant chercher la jarretière. Nous avons ri. Oh, Christine, j'ai mal aux pieds. Mais que va dire la baronne? Et ce chapeau qui n'arrive pas, si je l'avais, je décamperais. Vive la barrière! Vive la barrière! Voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire? Eh bien, je sais pas ce que j'ai fait de mon myrte. Fadina! Allez, vous rentrez vite, hein? Non, non, non, je l'ai empoté le jour de sa naissance. Oui, ben vous le retrouverez, il est dans le fiacre. Un domestique paraît, il ouvre la porte de la salle à manger et aperçoit la noce à table. Oh! Tout est perdu! Mais monsieur, mais non, silence, tais-toi! Et si tu bouges, je te jette par la fenêtre! La baronne. Que faites-vous donc avec ce candélabre? Moi, je cherche mon mouchoir que j'ai perdu. Vous l'avez dans votre poche. Ah, mais tiens, c'est vrai, oui, il était dans ma poche. Eh bien, monsieur, vous a-t-on remis ce que vous désiriez? Oh, pas encore, madame, pas encore, et je suis pressée. Je sais pas ce que j'ai, mais moi, je crois que je suis un peu pochard. Oh. Quel est ce monsieur? C'est mon... monsieur m'accompagne. Oh, mon compliment. C'est un talent, monsieur, que de bien accompagner. Oh, il le prend pour un musicien. Salut, madame. Et la compagnie. Oh, c'est une belle femme. Et elle est de la noce. Oh, s'il parle, je suis perdu. Le chapeau qui n'arrive pas. Monsieur est italien? Oui, je suis de Charentonneau. Oui, un petit village près d'Albano. Figurez-vous, madame, que j'ai perdu mon myrte. Quel myrte? Une romance, le myrte. C'est très gracieux. Si monsieur désire essayer le piano, c'est un pléiel. Comment que vous dites? Non, c'est inutile. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces rubans à votre boutonnière? Une décoration. Oui, la jarretière. Eh bien, c'est ça. L'ordre de la jarretière. De Santo Campo Pietro Nero. Dieu que c'est chaud. Oh, c'est pas très joli. Enfin, j'espère, monsieur, que vous nous ferez l'honneur de dîner avec nous. Mais comment donc, madame? Mais demain, pour aujourd'hui, j'ai ma suffisance. Tant pis. Je vais chercher mes invités qui meurent d'impatience de vous entendre. Trop bon. Encore des invités. Quel crâne noce. Votre bras, monsieur. Oh, voilà gentil, moi. Figurez-vous, madame, que j'ai perdu mon mire. Oh, patatras. On va nous flanquer tous par la fenêtre. Monsieur, voilà le chapeau. Le chapeau? Oh, le chapeau, oh, tiens, voilà pour toi. Et puis ma bourse. Qu'est-ce qu'il a donc? Enfin, je le tiens. Un chapeau noir, en crêpe de Chine. Arrive ici, petite malheureuse, et l'autre, répond. Ne faites pas de mal, monsieur. Le chapeau de paille d'Italie, où est-il? Je le veux. Madame en a fait cadeau à sa filleule, madame de Beaupertuis. Mille tonnerres, c'est à recommencer. Et où demeure-t-elle? Douze rue de Ménard. Allez, c'est bien, va-t'en. Va-t'en, tu m'agaces! Oh, ce que j'ai de mieux à faire, c'est le filet. La noce et le beau-père s'arrangeront avec la baronne. Cousin! Est-ce qu'on ne va pas danser? Si, je vais chercher les violons. Et maintenant, 12 rue de Ménard! Le concert va commencer. Mais où est donc monsieur Nisnardi? Alors, je sais pas. On demande monsieur Nisnardi. Comment t'ignore une désertion? Lui, Nisnardi? Mais je ne m'en allais pas, je vous assure que je ne m'en allais pas. Bravo. Messieurs, mesdames, pincez sur le marchepied du fiacre. Mettez-vous au piano. Vous voulez que je me mette au piano? Je vais me mettre au piano. Signor Nisnardi, nous sommes prêts à vous applaudir. Oh, mais certainement, madame trop bonne. Quelle position, moi je chante comme une corde à puits. Mais qu'est-ce que je vais leur chanter, moi? Faut y taper. Je tape. Un droit qui connaît les hussards de la garde. Connais-tu pas? Qu'est-ce qui se passe? La noce! Quel scandale! Voilà toute la noce! Alors! Une chambre à coucher chez Beaupertuis. Beaupertuis est assis devant un paravent, il prend un bain de pied. C'est bien drôle. C'est bien drôle. Ma femme me dit ce matin, à 9h moins 7 minutes, « Beaupertuis, je sors, je vais acheter des gants de Suède. » Et elle n'est pas encore rentrée à 9h15 du soir. On ne me fera jamais croire qu'il faille 12h52 minutes pour acheter des gants de Suède. À moins d'aller les chercher dans leur pays natal. À force de me demander où ma femme pouvait être, j'ai gagné un mal de tête fou. Alors j'ai mis les pieds à l'eau. Et j'ai envoyé la bonne chez tous nos parents, amis et connaissances. Personne ne l'a vue. Oh, j'ai oublié de l'envoyer chez ma tante Gros Minet. Anaïs y est peut-être. Virginie! Voilà de l'eau chaude, monsieur. Très bien, mais là, écoute. Prenez garde, elle est bouillante. Te rappelles-tu bien quelle toilette avait ma femme ce matin quand elle est sortie? Sa robe neuve à volant et son beau chapeau de paille d'Italie. Eh oui, un cadeau de la baronne, sa marraine. Un chapeau de 500 francs, moi. Pour aller acheter des gants de Suède. C'est bien drôle. Le fait est que c'est pas ordinaire. Bien certainement, ma femme est en visite quelque part. Dans le bois de Vincennes. Tu vas aller chez Madame Gros Minet. Au Gros Caillou? Je suis sûr qu'elle est là. Oh, monsieur, je suis sûr que non. Hop! Tu sais donc? Moi, monsieur? Oh, je ne sais rien. Je dis, je ne crois pas. C'est que voilà 2 heures que vous me faites courir. Je n'en puis plus, moi, monsieur. Le Gros Caillou, c'est pas à 2 pas. Eh bien, prends une voiture. Tiens, voilà 3 francs. Et va, cours. Oui, monsieur. Je vais prendre le thé chez la fleuriste du 5e. Eh bien! Voilà, monsieur, je pars. C'est égal. Tant que je n'aurais pas revu le chapeau de paille. Oh, ce serait amusant tout de même. Oh, la tête me part. J'aurais dû y mettre de la moutarde. Oh, Anaïs, si je croyais! Il n'est pas de vengeance, pas de supplice que... Ah! Enfin, la voici. Entrez! J'ai les pieds à l'eau. Tu n'as qu'à tourner le bec. Entre, cher ami. Monsieur Beaupertuis, s'il vous plaît. Un étranger? Quel est ce monsieur? Je n'y suis pas. Très bien, c'est vous. Oh, je n'en puis plus. On nous a tous rossés chez la baronne. Moi, ça m'est égal, mais Nonancourt est furieux. Il veut mettre un article dans le journal des débats contre le veau qui tète. Étrange hallucination. Sortez, monsieur. Sortez. Merci, monsieur, merci. Vous demeurez haut et votre escalier est raide. Mais monsieur, on n'entre pas ainsi chez les gens. Je vous réitère. Oh, vous prenez un bain de pied, mais ne vous dérangez pas, je n'ai que peu de choses à vous dire. Je ne reçois pas. Je ne suis pas en état de vous écouter. J'ai mal à la tête. Mais chauffez votre bain. Cadeau. Oh, oh, mais il m'a brûlé. Voulez-vous laisser ça? Que demandez-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Léodinas Palinard, 25 ans, rentier, marié d'aujourd'hui. Mes 8 fiacres sont à votre porte. Qu'est-ce que ça me fait, monsieur? Je ne vous connais pas. Ni moi non plus, et je ne désire pas faire votre connaissance. Je veux parler à madame votre épouse. Ma femme? Vous la connaissez? Pas du tout. Mais je sais à n'en pas douter qu'elle possède un objet de toilette dont j'ai le plus pressant besoin, il me le faut! Hein? Non! Oh! Oh! Encore un coup, monsieur, sortez! Pas avant d'avoir vu madame. Elle n'y est pas. À 10h du soir, c'est invraisemblable. Je vous dis qu'elle n'y est pas. Vous laissez courir votre femme à des heures pareilles, ce serait par trop jobard, monsieur! Ah! Oh! Oh, sacre bleu! Je suis ébouillanté! Oh, mais je vois ce que c'est. Madame est couchée. Ça m'est égal. Mes intentions sont pures. Je fermerai les yeux et nous traiterons à l'aveuglette cette négociation. Monsieur! Où est sa chambre, s'il vous plaît? Je vous brûle la cervelle! Beaupertuis lance la boudoir. Fadinard part le coup en fermant le paravent sur Beaupertuis. Les souliers de Beaupertuis se trouvent en dehors du paravent. Je vous l'ai dit, monsieur, j'irai jusqu'au crime! Attends un peu, Cartouche. Attends, Papavoine. Ah, mais qui est-ce qui m'a bâti un malentendu de cette espèce? Il monte chez lui et il nous plante à la porte. Ah, enfin! Me voilà chez mon gendre. Je vais pouvoir changer de chaussures. Attends, attends-moi! Tiens, il est là-dedans. Il se déshabille. Des souliers. Sapristi. Quelle chance. Nonancourt prend les souliers, quitte les siens et met ceux de Beaupertuis. Ça va mieux. Et ce myrte que je sens pousser dans mes bras, je vais le poser dans le sanctuaire conjugal. Mes souliers. Dis donc, toi. Où est la chambre? La chambre? Oui, oui, un peu de patience. J'ai fini. Tableau, je prendrai bien. Nonancourt entre dans la chambre du fond. Au même instant, Vézinet entre par l'entrée principale. Oh, Christi, que j'ai les pieds enflés. Mais ça ne fait rien. Un ou deux, gredin. Non, j'ai assez dansé. Je suis fatigué. Ce n'est pas celui-là, c'en est un autre. Toute une bande. Où est passé le premier? Brigand, où est ton capitaine? Mais merci, non, je ne prendrai plus rien. J'ai sommeil. Il est là. Beaupertuis s'élance dans la chambre. Mais encore un invité que je ne connais pas. Il a sa robe de chambre. Il paraît qu'on va se coucher. J'en suis pas fâché. La chambre nuptiale est par là. Mais j'ai réfléchi. J'ai besoin de mon myrte pour mon discours solennel. Rhabillez-vous, mon gendre. Je vais faire monter la mariée. Il n'y a pas de tire-botte. Eh bien, ma cousine, redescendons. Silence, Bobin. Ton rôle de garçon d'honneur expire sur le seuil de cette porte. Entre, ma fille. Pénètre sans crainte puéril dans le domicile conjugal. Est-ce que mon mari est déjà là? Il est dans ce paravent. Il se coiffe de nuit. Oh, je m'en vais. Redescendons, ma cousine. Silence, Bobin. Papa, je suis toute tremblante. Je le conçois. C'est dans le programme de ta situation. Mes enfants, voici le moment, je crois, de vous adresser quelques paroles bien senties. Allons, mon gendre, passez votre robe de chambre et venez vous placer à ma dextre. Oh non, papa! Bon, restez dans votre paravent. Et veuillez me prêter une religieuse attention. Babin, mon myrte. Voilà. Mes enfants. Mes enfants. Savez-vous où on met les tire-bottes? Dans la cave. Allez vous faire prendre. Merci. Je sais plus où j'en étais. Vous étiez dans la cave. Allez vous faire pendre. Ah, très bien. Mes enfants. C'est un moment bien doux pour un père que celui où il se sépare de sa fille chérie. L'espoir de ses vieux jours, le bâton de ses cheveux blancs. Cette tendre fleur vous appartient, ô mon gendre. Aimez-la, chérissez-la, dorlotez-la. Il répond rien, le savoyard. Toi, ma fille, tu vois bien cet arbuste. Je l'ai empoté le jour de ta naissance. Qu'il soit ton emblème. Que ses rameaux toujours verts te rappellent toujours que tu as un père, un époux, des enfants, que ces rameaux, toujours verts, que ces rameaux toujours vert. Que ce rameau, toujours vert. Oh, puis va te promener, moi j'ai oublié le reste, moi. Oh, papa! Oh, ma fille! Vous êtes bête, mon oncle! J'ai éprouvé le besoin de t'adresser ces quelques paroles bien senties. Allez, maintenant, allons nous coucher. Papa, ne me quittez pas! Ne la quittons pas! Sois paisible, mon ange. J'ai prévu ton émoi. J'ai stipulé 14 lits de sangle pour les grands-parents. Quant aux petits, ils coucheront dans les fiacres. À l'heure. Dites donc, hein, j'ai trouvé un tire-botte. Zut. Va, ma fille. Les dames emmènent la mariée dans la chambre du fond. Bobin veut s'élancer. Nonancourt le retient et le fait entrer dans une autre chambre, en lui donnant son myrte. Vézinet disparaît derrière les rideaux de l'alcôve du fond, qui se ferme. Ah ça, mais il bouge pas là-dedans. Est-ce que ce monstre-là se serait endormi pendant mon discours? Hein? Oh! Personne! Ah! Elle n'y est pas. J'ai parcouru tout l'appartement. Elle n'y est pas. Mon genre, que signifie? Encore vous? Mais vous n'êtes pas un beau-père, vous êtes un morceau de colforte. En ce moment solennel, mon genre. Oh, laissez-moi tranquille, hein. Je crois devoir blâmer l'anachronisme de votre température. Vous êtes tiède, mon genre. Allez vous coucher. Oui, monsieur, j'y vais. Mais demain, dès l'aube, nous reprendrons cette conversation. Il entre dans la chambre où est entré Bobin. Elle n'y est pas. J'ai fouillé partout, j'ai tout bouleversé, je n'ai rencontré sur ma route qu'une collection de chapeaux de toutes les couleurs. Bleu, jaune, vert, gris, arc-en-ciel, et pas un fétu de paille. Le voilà. Il a fait le tour de l'appartement. Hop. Ah, je te tiens. Lâchez-moi. Ne te défends pas, j'ai un pistolet dans chaque poche. Pas possible. Tandis que les deux mains de Beaupertuis le tiennent au collet, Fadinard plonge les siennes dans les poches de Beaupertuis, prend les pistolets et le couche en joue. N'oubliez pas, où je commets un déplorable fait Paris. Rendez-moi mes pistolets. Donnez-moi le chapeau. Le chapeau ou la vie. Ce qui m'arrive là est peut-être unique dans les fastes de l'humanité. J'ai les pieds à l'eau. J'attends ma femme, et voilà un monsieur qui vient me parler de chapeau et me viser avec mes propres pistolets. C'est une tragédie, vous ne savez donc pas? Un chapeau de paille mangé par mon cheval dans le bois de Vincennes, tandis que sa propriétaire errait dans la forêt avec un jeune militaire. Eh bien. Qu'est-ce que ça me fait? Mais vous ne comprenez pas qu'ils se sont incrustés chez moi, à bail de 369. Pourquoi cette jeune veuve ne rentre-t-elle pas chez elle? Jeune veuve, plutôt ciel, mais il y a un mari. Ah bah. Ah oui, une canaille, un gredin, un idiot, qui la pilerait sous ses pieds comme un frêle grain de poivre. Je comprends ça. Oui, oui, oui, mais nous le fourrons dedans, le mari. Grâce à vous, hein. Gros farceur, gros gnagneux. N'est-ce pas que nous le fourrons dedans? Ah, monsieur, je ne dois pas me prêter. Oui, allez, dépêchons-nous, voici l'échantillon. C'est trop grand Dieu. Paille de Florence, coquelicot. C'est bien ça, c'est le sien, et elle est chez lui. Les gants de Suède étaient une craque. Ah, voyons, combien? Il va se passer des choses atroces. Marchons, monsieur. Mais où ça? Chez vous. Sans chapeau. Silence. Monsieur, je viens du Gros Caillou, personne. Silence. Grand Dieu, la bonne de la dame. Tiens, le maître de Félix. On parle dans la chambre de ma femme. Elle est rentrée. Nous allons voir. Oh, Christ, j'ai mal aux pieds. Que viens-tu faire ici, petite malheureuse? Comment est-ce que je viens faire? Je rentre chez mon maître, donc. Ton maître? Beau-Pertuis, ton maître? Mais qu'est-ce qu'il a? Malédiction! C'était le mari et je lui ai tout dit. Est-ce que madame... Va-t'en, pécore. Va-t'en ou je te coupe en tout petits morceaux. Ah, et ce chapeau que je pourchasse depuis ce matin avec ma noce en croupe, le nez sur la piste comme un chien de chasse. J'arrive, je tombe en arrêt, c'est le chapeau mangé. Il va la massacrer. Défendons cet infortuné. Qu'est-ce que c'est? Hélène! Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là dans la chambre de ma femme? Mais qu'est-ce que c'est? Encore? Toute la noce, voilà le bouquet. Oh, que faisiez-vous là-dedans, chez moi? Chez vous? Chez lui? Pas chez toi? Chez lui? Oh, beau-père, vous m'ennuyez! Roman! Être immoral et sans vergogne! Tu nous mènes coucher chez un inconnu? Et tu souffres que ta jeune épouse, chez un inconnu? Mon gendre! Tout est rompu! Vous m'agacez! Monsieur! Monsieur! Vous daignerez excuser une légère erreur. Repassons nos habits! Bobin! Oui, mon oncle! Eh bien, c'est ça, ils filons chez moi! Je passe devant avec ma femme! Monsieur! La mienne n'est pas rentrée. Elle aura manqué l'omnibus. Elle est chez vous, monsieur. Oh, je ne crois pas. La dame qui est campe chez moi est une négresse. La vôtre est-elle négresse? Est-ce que j'ai l'air d'un gobe-mouche, monsieur? J'ignore cet oiseau. Bobin! Ma manche! Voilà, mon oncle! Où demeurez-vous, monsieur? Mais je ne demeure pas! 8 places! Ne le dites pas! 8 places, Baudoyer! Vagabond! V'là! Très bien! En route, ma fille! En route, tout le monde! En route, monsieur! Mais c'est une négresse! Le soir du mariage, se tromper de maison, c'est un très joli gage, mignonne de charbon. Le soir du mariage, se tromper de maison, c'est un très joli gage, mignonne de charbon. Mon œil semble sauvage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je n'ai lavé la front. Pas une semblant de pillage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je vais laver la front. Je vais laver la front. Sanglant de pillage qui fait rougir mon front. Dans un affreux carnage, je vais laver la front. Une place la nuit. Sur un angle, un poste de la garde nationale avec guérite et un réverbère suspendu à une corde. Un garde national est en faction. 11 heures. À qui de prendre la faction? Attendez-vous. Oh, maître Hubert, j'en ai monté 3 dans le jour pour être exempté de cette nuit. Le serin m'enrhume. Tais-toi donc, farceur. Jamais le serin n'enrhuma son semblable. Allons. Arme au bras. Et nous, messieurs, en patrouille. La patrouille est de malheur au filou. Oh Dieu que j'ai chaud. Voilà pourtant que mon attrape de mauvais rhume. Ils font un feu d'enfer là-dedans. J'ai beau répéter à Trouillebert, Trouillebert, vous mettez trop de bûches. Ah ben oui, et je suis en moiteur. J'aurais presque envie de changer de gilet de flanelle. Hein? Oh non, non, il peut pas céder, dame. Ah bon? Ah ben très bien, ouais. La pluie qui recommence. Ah parfait. Ah voilà la pluie à présent. Oh. Il s'abrite dans la guérite. Toute la noce entre par la gauche avec des parapluies. Par ici, mes enfants. Par ici. Sautez le ruisseau. Oh. Quelle noce. Quelle noce! Papa, et mon mari! Allons bon, nous l'avons encore égaré. Je n'en puis plus. C'est éreintant. Je n'ai plus de jambes. Heureusement que j'ai changé de soulier. Aussi, papa, pourquoi avez-vous renvoyé les fiacres? Comment, pourquoi? 375 francs, tu trouves que c'était pas assez? Je veux pas manger ta dot en cochet de fiacre, vous voyez. Ah, ça, mais où sommes-nous ici? Où sommes-nous ici? Le diable m'emporte si je le sais. J'ai suivi Bobin. Pas du tout, mon oncle. C'est nous qui vous avons suivi. Mais pourquoi nous a-t-on fait lever si tôt? Est-ce qu'on va encore s'amuser? La faridondaine au guet. Oh, gredin de Fadinard. Il nous a dit d'aller chez lui, place Baudoyer. Nous sommes sur une place. Oui, mais est-elle Baudoyer? Voilà la question. Dites donc, Vézinet, vous qui êtes de Chaillot, vous devez savoir ça. Est-elle Baudoyer? Oui, joli temps pour les petits pois. C'est ça, au sucre, tarare pompon, petit patapon. Oh là là là là là. Dieu vous bénisse. Oh, tiens, une sentinelle. Pardon, sentinelle. La place Baudoyer, s'il vous plaît. Passez au large. Ah, merci. Eh ben, et pas un passant. Pas même un savoyard d'Auvergnat. À 11h15. Oh, attendez. Nous allons savoir. Qu'est-ce que vous faites, papa? Il faut nous informer. On m'a dit que les Parisiens se faisaient un plaisir d'indiquer leur chemin aux étrangers. Qu'est-ce que c'est que vous demandez, sacrebleu? Pardon, monsieur. La place Baudoyer, s'il vous plaît. Attends, brigand, scélérat, canaille. Oh, sac à papier, j'étais sous la gouttière. C'est pas un Parisien, c'est un Marseillais. Oh, Baudoyer, mon oncle! Place Baudoyer, nous y sommes! Oh, quelle chance! Quelle chance! Cherchons le numéro 8. Le voilà! Entrons! Entrons! Oh, sapristi! Pas de portier! Et mon gueux de gendre ne m'a pas donné la clé. Oh, papa, je n'en puis plus. Je vais m'asseoir. Mais pas par terre, ma fille, pas par terre. Nous sommes en plein macadam. Oh, mais il y a de la lumière dans la maison. Ah, c'est l'appartement de Fadinard. Il sera rentré avant nous. Fadinard! Mon gendre! Fadinard! Mais un peu de silence, monsieur! Un peu de silence! Oui, trop honnête, monsieur, je me brosserai à la maison. Fadinard! Votre gendre se fiche de nous. Il ne veut pas ouvrir, papa. Allons chez le commissaire. Oui, oui, oui, oui, chez le commissaire, chez le commissaire. Oh, mon Dieu, que de monde! Ah! Son groom! Arrive ici, mascarille. Bien, c'est la noce de mon maître. Monsieur, avez-vous vu mon maître? As-tu vu mon gueux de gendre? Voilà plus de 2 heures que je cours après lui. Nous passerons de lui. Ouvre-nous la porte, Pierrot. Oh, monsieur, impossible. Ça m'est bien défendu. La dame est encore là-haut. Une dame? Oui, monsieur, qui est chez nous, sans chapeau, depuis ce matin, avec... Assez! Assez! Une maîtresse. Un jour de noce. Sans chapeau. Qui se chauffe les pieds au foyer conjugal. Et nous, sa femme. Nous, ces belles gens. Nous flânotons depuis 15 heures avec des myrtes dans nos bras. Turpitude, turpitude. Papa, papa, je vais me trouver mal. Oh, pas par terre, ma chérie, pas par terre. Tu flétrirais ta robe de 53 francs. Mes enfants, jetons une malédiction sur cet immonde polisson et retournons tous à Charentonneau. Oui, oui, à Charentonneau, à Charentonneau. Mais papa, je ne veux pas lui laisser mes bijoux, mes cadeaux de noces. Ma fille, ceci est d'une femme d'ordre. Allons, grimpe là-haut, je crisse. Et descends-nous la corbeille, les écrins, tous les bibelots de ma fille. Mais monsieur... Grimpe! Si tu ne meurs d'envie que je greffe une de tes oreilles. Non. Papa, vous m'avez sacrifié. Comme un fils aîné. Ah, que veux-tu? Il était rentier. Voilà ma circonstance atténuante aux yeux de tous les pères. Il était rentier, le capon. Le balade! Oh, tiens, voilà ma noce. Oh, beau-père, je voudrais m'asseoir sur vos genoux. Nous n'en tenons pas, monsieur. Tout est rompu. Chut, taisez-vous. Plaît-il? Taisez-vous donc, mon gros bleu. Mais taisez-vous vous-même, sauvageon. Non, je me trompais, il a perdu mes traces. Et puis, ses souliers le gênent, il boite comme feu Vulcain. Nous avons quelques minutes à nous pour éviter cet affreux massacre. Un massacre? Quel est ce feuilleton? Le chacal à mon adresse, il va venir ici, bourré jusqu'à la gueule de poignards et de pistolets. Il faut faire échapper cette dame. Ah! Tu en conviens, Sardanapale? Il en convient rien! Plaît-il? Voilà les bibelots! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jean de la noce, Que chacun de nous prenne un colis et opérons le déménagement. Non mais comment, le trousseau de mon Hélène? Elle ne l'est plus. Je la remporte avec armes et bagages dans mes pépinières de Charentonneau. M'enlever ma femme, à minuit, je m'y oppose. Brave ton opposition. Mais ne touchez pas au trousseau. Oh, veux-tu lâcher ce carton, bigame? Non. Veux-tu lâcher ce carton? Non. Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Interrompu, oh! Mon genre. Non, le carton, non, prenez donc garde au carton. Un chapeau de paille d'Italie. Hein? D'Italie? Mon cadeau de noces, je l'ai fait venir de Florence pour 500 francs. De Florence? Pardonnez ça. Est-il possible, moi, qui depuis ce matin... Il était... Oh, mais oui, conforme, conforme. Et des coquelicots, vive l'Italie! Vive Vézinet, vive Nonancourt, vive ma femme, vive Bobin, vive la ligne! C'est soulage, sac à papier! Un chapeau de 500 francs, tu ne l'auras pas, gredin! Tandis que Fadinard embrasse tout le monde, Nonancourt tire le chapeau du carton et referme le couvercle. Ah! Bon, attendez-moi là, hein, je prends le carton, je la coiffe et je la flanque à la porte. Nous allons rentrer, nous allons rentrer. Allez, la fond complète. Nullité de mariage, bravissimo. En route, mes enfants. Cherchons nos fiacres. Cherchons nos fiacres. Halte là, messieurs. Que faites-vous là avec ces paquets? Caporal, nous déménageons. Clandestinement? Ah, permettez-je... Silence! Vos papiers. Oui, monsieur. Mais oui, 500 francs sans les rubans. Oh, oh, nous voulons faire le farceur. Du tout, caporal, ce malheureux vieillard. Vos papiers. Sur un signe qu'il fait, deux gardes nationaux le prennent au collet, l'un Nonancourt et l'autre Bobin. Ah, lâchez-moi. Monsieur, c'est papa. Il n'y a pas de papa, vos papiers. Puisqu'on vous dit que nous n'en avons pas, nous sommes venus. Pas de papiers. Au passe. Oh, vous vous expliquerez avec l'officier. Oh, oh. Je proteste à la face de l'Europe. Au violon, marchez pas dans les belles lignes. Et plus tard, nous verrons s'il faut écouter vos raisons. Voilà nos son violon, à pour nous qu'est-ce que le faux. Cela nous protestons, au moins écoutez nos raisons. Au moins écoutez nos raisons. La patrouille est rentrée. J'ai bien envie d'aller prendre mon riolet. Il ôte sa capote grise, qu'il accroche au fusil, et met son shako sur la baïonnette de manière à figurer un factionnaire au repos. Fadinard sort de la maison avec le carton, suivi d'Anaïs et d'Émile. Venez, venez, venez, madame. J'ai trouvé le chapeau, c'est votre salut, votre mari, c'est tout. Il est sur mes talons. Tenez, coiffez-vous et partez. Il tient le carton, Anaïs et Émile l'ouvrent, regardent dedans. Ah! Ciel! Vide! Mais il y était. Mais il y était. C'est mon vieux Bosco de beau-père qui l'a escamoté. Mais où est-il? Où est ma femme? Où est ma noce? Mais au poste, monsieur. Tout ça au violon. Au violon? Ma noce? Et le chapeau aussi, comment faire? Oh, perdu! Non, oh, j'y vais, j'y vais. Je connais l'officier. Il connaît l'officier, nous l'aurons. Arrêtez-moi là. Tiens! Mon mari. Il a pris un cabriolet, le lâche. Oh, je remonte chez vous. Non, arrêtez! Il vient fouiller mon domicile. Tenez, tenez, entrez là, là, là, dans la guérite. Oh, il en appelle ça un jour de noces. Ah, vous voilà, monsieur. Vous m'avez échappé. Oui, pour acheter un cigare. Je cherche du feu, vous n'avez pas de feu. Monsieur, je vous somme d'ouvrir votre domicile. Et si je la trouve, je suis armé, monsieur. Au premier, la porte à gauche, tournez le bouton, s'il vous plaît. Oh, Christy, c'est drôle, j'ai les pieds enflés. Oui, il y en a un de biche à la porte. Oh, je suis morte de peur, vous me cachez ou fuir. Alors, rassurez-vous, madame, j'espère qu'il ne vous trouvera pas là-haut. Une fenêtre du poste s'ouvre à un étage supérieur. Vite, vite, voici le chapeau. Oh, nous sommes sauvés. Le mari est là, jetez, jetez. Émile lance le chapeau qui reste accroché au réverbère. Oh, sapristi. C'est lui. Ah, ça prolote. Fadinard jette la capote grise de garde nationale sur les épaules d'Anaïs, rabat le capuchon sur la tête et lui met le fusil entre les mains. De l'aplomb, hein. Et s'il approche, croisez, huit, passez au large. Mais ce chapeau, il va le voir. Chut. Prenez garde, monsieur, prenez garde. Tenez, abritez-vous sous mon parapluie, vous allez vous mouiller. Le diable emporte votre escalier sans quinquet. Ah, on est à 11 heures. Émile monte sur une borne et s'occupe à scier la corde avec son épée. Mais enlevez ce parapluie, il ne pleut plus, il y a des étoiles. Oui, mais c'est égal, vous allez vous mouiller. Mais parbleu, monsieur, je suis un bien grand imbécile. Oui, monsieur. Vous l'avez fait sauver. Oh, mais pour qui me prenez-vous? Parbleu, je vais interroger ce factionnaire. Oh, Dieu. Ah non, non, non, monsieur, c'est inutile, non. Il ne répondra pas, il est défendu de parler sous les armes. Mais lâchez-moi donc. Mais non, vous allez vous mouiller. Un factionnaire à ma place? Pas ces eaux-là. Ah, cette voix. Un conscrit. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Rien. Oh. Aux armes! Aux armes! Aux armes! Sans que Beaupertuis s'en aperçoive, Fadinard décroche le chapeau et le donne à Anaïs qui le met sur sa tête. Mais encore une fois, messieurs! Ah, je vous trouve donc enfin, monsieur. Ma femme. Voilà donc la conduite que vous menez. Elle a le chapeau. Vous coltez dans les rues à une pareille heure. Paille de Florence. Et des coquelicots. Me laisser rentrer seule à minuit quand depuis ce matin je vous attends chez ma cousine Eloa. Permettez, madame, votre cousine Eloa. Elle a le chapeau. Vous êtes sortie pour acheter des gants de Suède. On ne met pas 14 heures pour acheter des gants de Suède. Elle a le chapeau. Monsieur, je n'ai pas l'avantage. Mais moi non plus, madame, mais vous avez le chapeau. Madame a-t-elle le chapeau? Elle a le chapeau! Elle a le chapeau! Et pourtant, monsieur, ce cheval du bois de Vincennes... Il a le chapeau! Très bien, mon Jean! Oh. Tout est raccommodé! Ah, monsieur, je vous présente mon beau-père! Ton groom nous a conté l'anecdote. C'est beau, c'est chevaleresque, c'est français. Je te rends ma fille, je te rends la corbeille, je te rends mon myrte. Mais tire-nous des cachots! Caporal! Y aurait-il de l'indiscrétion à vous réclamer ma noce? Avec plaisir, monsieur. Lâchez la noce! Cette dame. Oh, ôtez-moi ce sourd-là. Quoi, monsieur? Elle a le chapeau. Oh. Alors, je suis dans mon tort. Elle a le chapeau. Elle a le chapeau. Quelle noce charmante. Ah oui, c'était divin. Mais les plus doux plaisirs doivent avoir leur fin. Allons tous nous coucher. Je vends de la mesure. Viens mon ange au cœur d'oranger. Et puisses-tu témoin de ma triste aventure. De ma triste aventure. À mon chef marital, ne jamais adjuger. Un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. À son chef marital, ne jamais adjuger un chapeau qu'un cheval ne pourrait pas manger. Radiodiffusion Télévision Française et la Société des Comédiens Français viennent de vous faire entendre Un chapeau de paille d'Italie, comédie en cinq actes de Eugène Labiche, en collaboration avec Marc Michel. Musique de scène originale de M. André Cadou. Direction artistique de Jacques Régnier. Nous vous en rappelons la distribution. Messieurs Louis Seignier, Nonancourt. Jacques Charon, Fadinard. Georges Chamara, Beaupertuis. Paul-Émile Débert, Émile Tavernier.